Bien-aimés, je vous dis bonjour, mes frères, mes sœurs. C'est vraiment avec plaisir que je vais vous partager une petite exhortation. Je peux vous dire, mes bien-aimés, que hier, j'ai été choqué. Depuis que j'ai mis des vidéos sur YouTube, il y a des chrétiens qui m'appellent au Canada, aux États-Unis, en Afrique, un peu partout. Des gens me racontent des choses que les loups, les faux hommes de Dieu, leur ont fait. Il y a une femme hier, en région parisienne, qui m'appelle, me dit, mon frère, je suis maintenant assise à la maison. Les hommes de Dieu, je ne crois plus. J'ai entendu ta prédication dans une vidéo. Je t'appelle, mais les hommes de Dieu, je suis déçu. Elle dit qu'il y a de cela 10 ans en arrière, j'étais vierge. Et un homme de Dieu, un Congolais, qui a une église là à Paris, il me dit, si tu veux que Dieu te bénisse, je suis un homme loin de Dieu. J'ai la puissance de Dieu à moi. Comme je te trouve sérieuse, il faut que je sois le premier à coucher avec toi. Le pasteur l'a mené partout dans les hôtels. Elle dit, mon frère, je ne te mens pas, j'ai couché avec lui, je l'ai cru, je ne connaissais pas Jésus. Il avait de l'influence sur moi. Il couchait avec moi dans les hôtels. C'est lui qui m'a déviergé. Frère, c'est alors que j'ai un retard. Un retard. Je l'appelle, je dis, je suis enceinte. C'est ce que le médecin m'a dit. C'est un scandale, merde. Il faut m'enlever ça. Parce que c'est ma réputation qui est en jeu. Si ma femme apprend ça, il faut enlever. Si ma femme apprend ça, je suis pasteur, c'est mon honneur, il faut enlever ça. Parce que la fille ne voulait pas enlever. Il y a une autre qui m'appelle de la Réunion. Elle a vu mes vidéos sur YouTube. Elle me dit, pasteur, prie pour moi. Un homme de Dieu me suivait. D'accord? Et il a commencé à me dire, comme moi j'ai des problèmes dans ma vie, je suis venu divorcer. Il me disait, tu veux que je prie pour toi? Il m'a fait croire que plus tu donnes une grande offrande, plus la puissance de Dieu, la bénédiction sera grande. Il m'a ruiné. Il m'a dit, pasteur, aujourd'hui, je tourne dans les découvertes. Parce qu'il fallait donner des grandes sommes. Parce qu'il me faisait croire que plus tu donnes des grandes sommes, plus Dieu va te bénir. Or aujourd'hui, mon état, elle, vraiment mon état, elle-même, je n'ai pas changé. Mon argent est parti. Aujourd'hui, je tourne dans les découvertes. Beaucoup de personnes m'ont appelé. Beaucoup. Sur cette histoire d'argent. Et j'ai remarqué, si je fais le résumé, que les victimes, il y a deux sortes de victimes. Les victimes dans le domaine financier, les finances, et les victimes sur le plan sexuel. Beaucoup de femmes se sont fait avoir. Et ce qui fait que certaines femmes aujourd'hui continuent à fermer leur bouche. On m'a raconté qu'il y a une personne qui a publié une vidéo et la personne dit, si vous savez que votre pasteur, c'est un faux, il fait des mauvaises choses, il fait des trucs sales, quittez l'église, mais ne le dénoncez pas. C'est du mensonge. La Bible déclare, n'est-ce pas à ceux du dedans que nous avons à juger. Ôtez le méchant du milieu de vous, c'est ce que dit la parole. La Bible dit, ceux du dehors, Dieu les juge. N'est-ce pas? Jusqu'à quand on va continuer à cacher les loups alors qu'ils commettent des dégâts terribles au milieu des brebis du Seigneur? C'est quoi cet évangile où on conseille les gens de couvrir les loups, de ne pas les dénoncer? Et vous savez pourquoi le loup se déguise? Le loup se déguise pourquoi? Pour qu'on ne sache pas que c'est un loup. Parce que plus il est déguisé, plus il va attaquer les brebis, parce que les brebis auront confiance en lui. Les brebis vont croire que c'est une brebis aussi. C'est pourquoi il se déguise. Tant qu'il a l'apparence de brebis, les brebis vont lui faire confiance. Mais si les brebis sachent que c'est un loup, ils vont se méfier. C'est quoi cet évangile où on conseille les gens, quitte l'église, mais ne le dénonce pas. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Je suis désolé, je suis un homme de Dieu, je ne suis pas Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu, pas la crainte de moi. C'est Dieu qui trouve le paradis, c'est pas moi. Un homme de Dieu, c'est un enfant de Dieu, comme tout enfant de Dieu. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. C'est parce que Dieu m'a dit, tu es pasteur, que je suis au-dessus des brebis du Seigneur. Je suis désolé. Quitte l'église, mais il ne faut pas dénoncer le loup. Dieu va te maudire. Quel Dieu qui va te maudire? La Bible déclare, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez-le. La Bible ne dit pas, couvrez le méchant, couvrez-le. La Bible ne dit pas, cachez le méchant. La Bible ne dit pas, il ne faut pas dénoncer le méchant qui est au milieu de vous. Oh, il dit, quitte l'église, mais ne le dénonce pas. Dénonce-le. Il faut le dénoncer. Parce que tant que les brebis croiront que ce n'est pas un loup, il y aura d'autres victimes. Et la personne dit, mais s'il est loup dans l'église, Dieu le connaît, non, Dieu voit ce qu'il fait. C'est pourquoi Dieu me permet de savoir que c'est un loup pour que je le mette à nu. Voilà. Dieu se sert de nos bouches pour parler. Dieu le voit, il voit le loup. C'est pourquoi il me révèle que c'est un loup pour que par ma bouche, je parle. C'est toi qui vas parler. Dieu ne va pas prendre un mégaphone depuis le ciel. Allô, allô, je vous annonce que dans l'église, le loup, c'est gna gna gna. Non! Dieu utilise ma bouche. Dieu me montre que c'est un loup et c'est par ma bouche que je dois parler. Il y a des loups, il y a des dégâts, il y a des dégâts. Bien aimé, c'est horrible. Combien de coups de fil, les gens me font des témoignages. Les victimes des loups, les victimes sont nombreuses dans les églises. Je veux lire Colossiens, Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du verset 23 au verset 24. La Bible dit, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Les dîmes et les offrandes que j'ai envie de donner, c'est pour le Seigneur, pas pour les hommes. Oh, je dois manger vos dîmes. Oui, j'ai le droit de manger vos offrandes. J'ai le droit. Mais moi, je ne donne pas mon argent à l'église pour toi. Je suis désolé. Quand un Hébreu allait voir le grand sacrificateur, il apportait l'offrande. L'offrande était destinée à qui? À l'éternel Dieu. Ce n'était pas aux pharisiens, ce n'était pas aux sacrificateurs, j'allais dire. L'offrande était destinée à Dieu. Même si le sacrificateur prenait là-dedans pour se nourrir, mais l'offrande était pour l'éternel. Vous avez des escrocs qui ont dépouillé les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils ont des bottes. Chaque prière, il y a des gens qui viennent me voir pour que je prie pour ces personnes-là. On me dit, oh, bien-aimé, tu ne prends pas d'offrande. Je dis, non, il n'y a pas d'offrande. Les gens, oh, je peux venir pour que tu pries pour moi. J'ai un problème de mari de nuit. J'ai un problème, machin. C'est combien l'offrande? Moi, je leur dis, il n'y a pas d'offrande. Il n'y a pas d'offrande chez moi. Ah bon? Je dis, il n'y a pas d'offrande. Ce sont des escrocs pour qui vous demandent l'argent. Elles viennent ici, les personnes. Je prie gratuitement. Il n'y a pas d'offrande. C'est Jésus qui fait le miracle. Ce n'est pas moi. Pourquoi je vais prendre ton argent? Je suis qui? Le miracle, c'est Jésus qui le fait. Si tu as une offrande à faire, va régler ça avec Jésus. Moi, je ne prends pas un centime de qui que ce soit. J'ai un bon travail. Je gagne bien ma vie. Je n'ai pas besoin des offrandes de qui que ce soit. Ce sont des chômeurs qui prennent votre argent. Des chômeurs. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai un bon salaire, moi. Vous avez des escrocs. Ils ont en ce moment des bottes. On ne met plus les offrandes dans un panier. Parce que tu risques de mettre des pièces. Il faut aller déposer l'argent à l'estrade parce qu'ils veulent voir le gros billet que tu poses. C'est des escrocs. Un jour, Jésus a assisté à des offrandes. Une femme a mis les pièces. Je n'y a pas de pièces dans l'église. Ici, on ne veut que des billets. Mais vous avez des escrocs. Ils prennent l'œuvre de Dieu comme une forme de commerce. C'est des faux. Ils se servent de l'œuvre de Dieu pour se remplir les poches. On ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Ils ont inventé des mensonges. On ne pose plus dans le panier parce qu'on risque de voir remarquer que tu as posé 5 euros. Il faut que tu ailles poser là-bas. Les gens qui posent 100 euros, c'est par-ci, c'est par-ici. D'autres qui posent 500 euros, c'est là. Celui qui peut poser 1000 euros, c'est ici. Et ils ont inventé des mensonges, c'est-à-dire la bénédiction, alléluia, c'est-à-dire l'onction de Dieu qui va descendre dépend de combien tu as posé. Ils ont inventé des tas de mensonges. Il y a une onction pour celui qui a posé 5 euros. Il y a une onction pour celui qui a posé 100 euros. Tu veux que ça soit une grande onction, pose 1000 euros, plus, c'est-à-dire l'onction de Dieu dépend de la somme que tu poses. Des escrocs! Des escrocs! L'onction de Dieu maintenant. Regardez dans les évangiles, toutes les personnes que Jésus guérissait, ils ont posé combien? Quelle somme? Ils ont posé quelle somme sur la table? Qui guérit les gens aujourd'hui dans nos églises? C'est Jésus-Christ. A-t-il changé? Non. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Jésus qui guérit. C'est le même Jésus qui fait les délivrances. Il n'a jamais demandé un centime à qui que ce soit. Ce sont des escrocs qui ont inventé un faux évangile, pour se remplir les poches. Arrêtez de vous faire dépouiller. Arrêtez. Je vais lire un passage biblique. Actes des apôtres, chapitre 17, au verset 11. L'apôtre Paul va prêcher l'évangile dans une ville appelée Bérée. Actes 17, 11. Quand il arrive là-bas, Paul va prêcher et ceux qui l'entendaient, ceux qui l'écoutaient, vont réagir. Dans leur Bible, voici ce qu'il est écrit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur prêchait était exact. L'apôtre Paul arrive dans une ville. Il a la Bible à la main. Il va prêcher aux chrétiens. Tous avaient entendu parler de son ministère. Tous savaient que c'est un grand homme de Dieu. Tous savaient qu'il avait l'appel, qu'il a l'onction de Dieu en lui. Mais Paul vient prêcher. Ils prennent leur Bible. Tout ce qu'il dit, ils vérifient. Mais vous aussi, quand on vous roule dans la farine, oh, donne 100 euros. Celui qui a donné 500 euros aura beaucoup plus de puissance de Dieu quand je vais prier pour lui par rapport à toi qui n'as donné que 50 euros. Ah bon? Depuis quand Dieu agit comme ça? Depuis quand Dieu fait payer son onction? Tu as donné 20 euros. Quand je vais prier pour toi, l'onction qui va descendre est équivalent à 20 euros. Mais la personne qui a donné 1000 euros, quand je vais prier pour elle, il y aura une onction supérieure. Mon Dieu, ils font de Dieu un commerçant. Dieu vend l'onction. Dieu vend maintenant son onction. Tout dépend de combien tu donnes. Des escrocs. Mon Dieu, comment vous pouvez accepter de tels mensonges? Lisez vos Bibles, lisez la Bible. Soyez comme les chrétiens de Bérée. Paul leur disait des choses devant eux et vérifiait. Est-ce que ce qu'il dit là, la Bible dit? Mais vous ne lisez plus vos Bibles. Comment on peut vous rouler comme des bébés? On ne met plus l'argent dans un panier. On va poser à l'estrade. On étale les billets sur l'estrade. Des escrocs. Ils se remplissent les poches. Ils se cachent derrière la Bible pour se remplir les poches. C'est des loups. C'est des loups. Ils se servent de l'œuvre de Dieu comme un boulot. C'est leur gagne-pain. Des chômeurs. Des chômeurs. Moi, j'ai un bon poste. Je gagne bien ma vie. Je n'ai pas besoin d'un centime de dîme. D'accord? Ce que je gagne parfois, par mois, ça me suffit. Mais un chômeur, lui va créer l'œuvre de Dieu, il va créer son église. Il prend le nom qu'il veut. Et il se dit évangéliste, bishop et tout. Un chômeur. Mais comme il n'a pas de revenus, il va escroquer les gens. La parole de Dieu devient pour lui un boulot, source de revenus. Ses revenus dépendent de ça. C'est pourquoi il est allé créer une église. C'est pourquoi il est allé créer une église. Moi, j'ai vu au Gabon des officiers de l'armée, un colonel de l'armée. Jésus l'a appelé au ministère. J'ai vu des cadres que Jésus a appelés. Ce n'étaient pas des chômeurs. Or, vous avez aujourd'hui la plupart des faux prophètes, la plupart des faux serviteurs de Dieu, c'est des gens qui étaient au chômage. Ils prennent l'œuvre de Dieu comme un gagne-pain. Et comme Dieu n'utilise pas les faux hommes de Dieu, ils ont recours à des marabouts pour opérer des miracles dans l'église. Jésus dit, ils seront nombreux. Matthieu 24. Ils vont séduire les gens par les miracles. C'est pourquoi quand vous regardez leurs vidéos sur YouTube, vous avez juste des vidéos de miracles. Des vidéos de miracles. Jésus dit, c'est par les miracles qu'ils vont vous séduire. Et quand toi tu vas voir les vidéos, les gens qui tombent par terre, tu prends le billet d'avion. Tu prends le train pour aller le voir. Jésus te dit, Matthieu chapitre 24, que c'est par les miracles qu'ils vont vous séduire. À partir du moment où tu quittes ta ville, tu quittes ton pays pour aller le voir, tu es déjà en plein dans la séduction. Il t'a déjà séduit. Tu es déjà dans la séduction. C'est pourquoi il met sur YouTube. C'est pour séduire. Et si toi tu regardes, tu vas mordre à l'hameçon. Et tu viens le voir. Et quand tu vas venir le voir, il va dire, ok, une offrande. Il faut poser une offrande pour la prière. Et toi, tu vas au distributeur de banque, tu retires l'argent. Des gens qui viennent me voir ici pour que je prie pour eux. Ils me disent, pasteur, je peux passer mardi. J'amène une offrande de combien? Je dis, ma soeur, je ne dis pas de ça, il n'y a pas d'offrande chez moi. Chez moi, c'est Jésus qu'on va prier. Oh, toi, tu ne prends pas d'offrande? Je dis non. Moi, je ne prends pas d'offrande. Si un jour, je demande un centime à une personne, qu'il vienne le dire. Je ne suis pas dedans. C'est de l'escroquerie. Jésus m'a dit, je t'ai donné gratuitement. Donne gratuitement. C'est pourquoi je donne gratuitement. C'est pourquoi je donne gratuitement. Moi, je préfère un homme de Dieu honnête. Frère, sœur, cette salle nous coûte 1000 euros par mois. Ok. Frère, faisons tout pour payer la salle pour qu'on ne se retrouve pas dehors. Ça, c'est l'honnêteté. Et tout le monde amène. Mais ce n'est pas à l'homme de Dieu de compter là à la fin, là, compter l'argent. Il faut chercher des personnes neutres pour gérer l'argent de l'église. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ne le veulent pas parce qu'ils veulent contrôler cet argent. Parce que c'est là-dedans, c'est son argent. Parce qu'il fait de l'œuvre de Dieu un boulot. Un gagne-pain, c'est son gagne-pain. C'est pourquoi il est allé voir le marabout. Pour avoir des grosses chevalières au doigt, des puissances, des bagues travaillées, des bagues dotées de pouvoir, le pouvoir de prophétiser. C'est pourquoi je vous dis toujours, dans Actes des Apôtres, une sorcière qui avait l'esprit de Python prophétisait sur Paul et sa délégation. Ces hommes vous annoncent la voie du salut. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais comment elle a eu la révélation? Parce qu'elle avait un démon de Python en elle. Oui, quand un homme de Dieu a les fétiches, il peut avoir la révélation de ta vie grâce au démon qui habite en lui. Il va te donner les détails de ta vie. Il va te donner les détails de ta famille grâce à cet esprit qui habite en lui. Et toi, tu vas dire, c'est un homme de Dieu, comment il connaît ma vie? Mais oui, mais comment cette femme pouvait savoir que Paul annonce la voie du salut? C'est grâce à l'esprit qui habite en lui. Parce que le diable sait qui tu es. Le diable sait ce qui se passe dans ta famille. Il le sait. Et il peut te le révéler. Mais ça ne veut pas dire que celui qui te le révèle, ça là, c'est le Saint-Esprit. Demande au faux homme de Dieu qui est en face de toi. Dis-lui, pasteur, on peut brûler tes bagues. Tu permets qu'on brûle tes bagues là. Tu permets. Est-ce qu'on peut brûler tes bagues? Dans Actes des Apôtres au chapitre 19, on brûlait ces choses, la Bible dit, devant tout le monde. Et vous donnez parce qu'il vous a envoûté. Vous savez ce qu'ils font. Ils vont parfois la nuit. Ils vont parfois dans ces salles-là. Ils versent la poudre. Ils font des incantations pour envoûter toute personne qui rentre dans ce local. Quand tu rentres là, tu seras envoûté. Et tu ne penses qu'à lui. Les autres églises, toi. Les autres églises ne comptent plus. Tout ton cœur n'est que vers lui. Parce qu'il t'a déjà envoûté. Les bagues sont là. Les bagues que tu le vois au doigt là. Ils servent à ça, l'envoûtement. Quand il te pose la main là, la puissance démoniaque est sur la bague. Tu es foutu. Ça va t'envoûter. Moi, je voyais ça quand le marabout faisait ça. Comment on peut vous dépouiller comme ça? La pauvre femme à la réunion et à la maison, elle joue dans le découvert. Elle dit, mon frère, tous mes finances, le fou là, tout pris. Je n'ai jamais expérimenté aucun miracle. Je n'ai aucun miracle. Tout mon argent est parti. La pauvre fille, l'homme de Dieu qui dit, il faut avorter. Si ma femme apprend ça, il faut enlever la grossesse. Je suis pasteur, c'est mon honneur qui est en jeu. Il faut m'enlever ça. Ils sont nombreux dans les églises. Des loups. Il y a des dégâts aujourd'hui, mon Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, Satan, aujourd'hui, voyant que Jésus-Christ vient bientôt, utilise la dernière cartouche. La dernière cartouche, Jésus a dit, dans les temps de la fin. Jésus ne dit pas avant les temps de la fin. Jésus dit, les temps de la fin. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux hommes de Dieu. Jésus dit, temps de la fin. Jésus ne dit pas, les faux hommes de Dieu, c'est avant les temps de la fin. Jésus dit, les faux hommes de Dieu, c'est les temps de la fin. Jésus dit, ils feront des prodiges, des miracles pour séduire. Beaucoup sont aujourd'hui à fond dans la séduction. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils on les a eus par la séduction sur YouTube. Vous voyez des miracles, C'est la séduction. Les hommes de Dieu sont envoyés pour prêcher la bonne parole. Il n'y a pas de ministère spécial miracle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ministère. Dieu m'a envoyé que pour les miracles et les prophéties. Tu es un menteur. Peuple de Dieu. Réveillez-vous. Nous sommes dans les temps de la fin. Les loups. Satan, vous voyez des loups dans l'église. Les loups sont rentrés dans la bergerie. Ils ont pris l'apparence d'hommes de Dieu, mais ce sont des loups. Ils sont à fond dans le sexe et dans l'argent. Jésus a connu ça. Et un jour, il va dans un temple. Il trouve des gens qui étaient là, pas pour prêcher la parole de Dieu. Des gens qui étaient dans le temple, pas pour le salut des âmes, mais pour le pognon. Et Jésus est fâché. Il dit, vous faites de la maison de Dieu, la maison du commerce. Et Jésus les a jetés dehors. Ils se disent, ces loups-là font de la Bible, de la parole de Dieu, un fond de commerce. Comme je n'ai pas de travail. Ok, je vais prendre l'appellation bishop. Je vais prendre l'appellation général. Moi, je suis révérend pasteur. Ils prennent les titres comme ils veulent des titres. Ils se mélangent à des vrais hommes de Dieu. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jeune fille, toi qui fermes la bouche là. Ma soeur, tu couches, le pasteur couche avec toi et tu ne veux pas le dénoncer. Tu es responsable des dégâts qu'il va continuer à faire. Dieu va te dire pourquoi tu ne l'avais pas mis à nu. Parce que si tu caches son nom, il ne fera plus d'autres victimes. Si tu dis qui il est, d'autres filles vont se méfier. Mais si tu le caches, il va continuer à faire des victimes. C'est pourquoi il faut le dénoncer. Dénoncer les loups. Les loups ne sont pas les enfants de Dieu. Dénoncez-les. Parce que c'est Satan qui les a envoyés. Ne cachez pas les agents du diable. Il faut les livrer. Jésus a été le premier qui a livré publiquement un spectacle. Satan et ses démons. Les agents du diable, livrez-les. Parce que si tu le caches, il va continuer à faire sa salade. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Faites très attention. Lisez la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, comment... Mais les faux prophètes, les faux hommes de Dieu vont vous rouler dans la tête. Comment tu peux croire celui qui lit la Bible? Si un homme de Dieu le dit, il faut que tu donnes 500 pour qu'il y ait beaucoup d'onction. Vous savez, je peux le gifler. Moi, je peux le gifler parce que c'est un loup. C'est un escroc. son onction. L'onction de Dieu ne dépend pas de la somme que tu donnes. Qu'on arrête de vous rouler dans la farine. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Je suis écœuré du nombre de victimes. Je vous dis, les choses que les gens me disent, ils m'appellent un peu partout. Il y a cette femme qui m'a appelé du Canada hier. C'est grave. Les loups font des dégâts dans l'église, des dégâts. Des dégâts. Mais beaucoup de femmes ferment les bouches. Parce qu'on leur a fait croire que si tu parles, Dieu va te frapper. Les autres ne parlent pas parce qu'elles ont honte. Sinon, tout le monde saura que tel pasteur avait couché avec moi. La honte. Ils sont obligés de fermer la bouche. Nous devons livrer les loups. Parce que si le loup, si tout le monde sait que c'est un loup, les autres filles ne tomberont plus dans le piège. Mais si tu le caches, il fera d'autres victimes. Faisons attention. Travaillons pour le Seigneur. Lisez la Bible pour que le loup ne puisse pas t'avoir. Il y a une soeur qui m'a fait un témoignage. Un homme de Dieu lui dit, un faux homme de Dieu. Tu n'allais pas faire d'enfant. Ok. Enlève le haut. Je vais voir l'état de tes seins. Et la soeur lui dit, mais homme de Dieu, c'est écrit où? Mais je te le dis, je suis un homme de Dieu, un Nigérian. Je suis un homme de Dieu. La soeur dit, non, je ne refuse pas, pasteur. Mais je veux bien le faire. Ok, fous le camp alors, fous le camp. C'est comme ça que ça s'est terminé. Mais ce homme a eu affaire à une soeur en Christ qui connaît la Bible et qui lui a dit, montre-moi où c'est écrit. Il y a des menteurs. Ils font boire l'eau aux gens, l'eau de Siloé. Quel mensonge! Depuis quand la Bible dit de boire l'eau de Siloé? Depuis quand la Bible dit de boire ça? Quel mensonge! Ils inventent des mensonges. Il y a un autre à Sergi Pontoise. Regardez le bidon. L'eau là, je reviens d'Israël. C'est l'eau du Jourdain. D'accord? Vous savez que Jésus est saint, non? Oui. Bon, comme on a plongé dedans, cette eau là, elle est sainte. C'est pourquoi j'invite tout le monde de venir prendre un verre. Parce qu'en buvant cette eau, elle va te purifier. Quel mensonge! C'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est pas l'eau du Jourdain. Comment vous pouvez... Et tout le monde s'est levé pour aller boire, Seigneur. Mon Dieu! Lisez la Bible! Comment on peut vous rouler comme des moutons? C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Pas l'eau du robinet. Pas l'eau d'un fleuve, c'est le sang de Jésus. Comment on peut vous rouler comme ça? La bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu ne dépend pas du montant que tu as posé. Non, Dieu ne vend pas son onction. Quand les gens viennent me voir ici, homme de Dieu, je viens demain, à quelle heure? Je dis à 10h, je suis là. J'amène une offrande. Je dis, il n'y a pas d'offrande. Elles sont étonnées. Oh! Ils sont plus beaucoup, les hommes de Dieu qui ne demandent pas l'offrande. Je suis écœuré. L'escroquerie est rentrée dans l'église parce qu'il y a des loups qui sont là pour le pognon. Et ils font des victimes sexuelles et financières. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Jésus a dit, dans les temps de la fin, c'est là où ils vont se manifester. Satan sait que là, Jésus arrive, il utilise maintenant la dernière cartouche. Satan utilise la dernière cartouche qu'il a. Semer la confusion dans l'église. Envoyer des faux hommes de Dieu. Parce que la Bible dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Satan envoie des faux qui seront dans l'adultère, dans le sexe, dans l'escroquerie. Et quand on va les arrêter, la presse va publier, tel pasteur est arrêté pour viol, tel pasteur est arrêté pour escroquerie, tel pasteur est arrêté pour crime rituel. Et puis la presse va publier. Ça a quel but? Pour que les païens disent, les hommes de Dieu, c'est n'importe quoi. C'est ce que Satan cherche. C'est pourquoi il a envoyé dans le milieu d'hommes de Dieu ce genre d'éléments qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'il sait que leur sale témoignage va faire en sorte qu'on mette tous les hommes de Dieu dans le même paquet. C'est ça la mission du diable. C'est ça le plan. Ces faux hommes de Dieu-là n'ont pas la crainte de Dieu. Ne vous faites pas vraiment avoir. Soyez comme les chrétiens de Bérée. Ils n'ont pas dit, Paul va parler, on va tout accepter. Ils vérifient dans la Bible ce que l'homme l'a dit. C'est où dans la Bible? La sœur, l'homme de Dieu, le Nigérian, lui dit, « montre-moi ta poitrine. La sœur lui a dit, c'est écrit où, pasteur? Mais je suis un homme de Dieu, si je te le dis, l'Esprit de Dieu est en moi. Oui, je ne dis pas que c'est faux, mais moi je veux. Ah, fous-moi le camp. L'homme là s'est énervé, c'est pas un homme de Dieu. Heureusement que la sœur n'a pas donné sa poitrine. Mais si c'était une personne qui ne connaissait pas la Bible, elle a dit, puisque c'est un homme de Dieu, tiens, tiens mes soeurs, tiens. Mais il va t'envoûter et il viendra coucher avec toi la nuit, homme de nuit. Tu viendras, quand tu dors, il vient coucher. Parce que quand il va te toucher là, il va faire l'envoûtement. C'est un fétiche. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.